Okay, j'appelle le commissaire Allô? Bobigny. Oui, allô, oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, bonjour. J'appelle parce que mes parents ont reçu un appel, pardon, il y a environ 2 semaines, concernant un voyage que j'ai fait d'une semaine en Syrie, pardon. Et donc, je voulais avoir la personne. Donc, la personne, c'est monsieur ou madame. Ouais, alors c'est quoi votre nom? Alors, mon nom, c'est Baitiche, Baitiche. Ok, monsieur, vous êtes rentré à Cly, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous êtes rentré quand? Rentrer en France? Je suis pas encore rentré. Ah, d'accord, vous n'êtes pas encore rentré. Non. D'accord, ça marche. Et vous êtes où là du coup? Je suis quelque part, madame. Je voyage. Je Ah, voulais, je d'accord, vous ok. appelle, oui, je vous appelle, j'aimerais répondre à vos questions par rapport à mon voyage. Après. Ah, d'accord, ok, ça marche. Ben, en fait, oui, c'est parce que j'imagine que vous avez eu votre maman au téléphone. Voilà, c'est ça. Ok, moi, ben, c'est parce qu'on s'inquiétait un peu pour vous. On voulait savoir si vous alliez bien, etc. C'est pour quelle raison vous voulez savoir si j'allais bien? Ben, parce qu'en fait, vu que la Syrie, c'est des pays qui sont un peu compliqués en ce moment, vous auriez pu tomber sur des personnes malveillantes. Donc, on voulait savoir si vous alliez bien, si vous D'accord, n'étiez ok. pas avec des gens qui pourraient vous faire du mal, en fait, tout D'accord, simplement. très bien. D'accord. Bah non, Et du coup. je vais très bien. En fait, la Syrie, ça, elle est plus en guerre depuis 2016, si je me trompe pas, non? Oui, mais enfin, bon, ça reste quand même des atmosphères un peu tendues, j'imagine. D'accord, très bien. Bon, moi, j'ai regardé sur le site du gouvernement français, d'accord? Donc, Ouais. mon pays d'origine, mon pays natal. Et donc, il n'y a aucune interdiction pour la Syrie. Oui, bien sûr. Mais en fait, vu que c'est des zones un peu tendues, où justement on peut rencontrer des personnes très peu influençables, il était question de savoir si, vu que vos parents s'inquiétaient, Mes parents vous alliez s'inquiétaient bien. pas, hein. C'est peut-être pour ça. Mes parents s'inquiétaient pas, madame, puisque j'étais en ligne avec eux. Donc, Oui, mais ils s'inquiétaient au début parce qu'ils sont venus nous voir. C'est comme ça qu'on a été prévenus. ah non, c'est eux, non, c'est vous qui les avez appelés. Donc là, il y a une erreur, par contre. D'accord. Écoutez, dans tous les cas, nous on s'inquiète et on voulait être sûr que vous alliez bien. Est-ce que donc vous prévoyez de rentrer ou pas auprès de vos parents ou pas du tout? Mais pour quelle raison, madame? Bah parce qu'ils s'inquiètent en fait, tout le monde Mais ils s'inquiète. s'inquiètent pas, madame. Je suis au téléphone avec eux et je suis un adulte. Je comprends pas. D'accord. Bon alors, D'accord, écoutez. d'accord. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que j'ai un. Est-ce que vous aurez des informations concernant ma santé? Votre santé, non, du tout. Pourquoi? D'accord, très bien. D'accord. Ok. Et alors du coup, expliquez-moi pourquoi ce voyage en Syrie? Parce que du coup, Bah. nous, ça nous a inquiétés aussi. Mais ça vous a. Écoutez, madame, j'ai l'impression que vous me parlez comme si on se connaissait, comme si vous pensiez à moi en vous endormant. On se connaît pas, donc quand vous avez appris l'affaire, comment vous avez appris l'affaire déjà? Comment vous avez appris, pardon, que je suis allé en Syrie? Ben parce qu'on tout se sait, monsieur, quand quelqu'un franchit la frontière. Ah, d'accord. D'accord. Oui. Et donc la Syrie, c'est un pays qui est surveillé, c'est pour ça. Non, mais très bien, il n'y a pas de souci. Quand ma mère m'a dit que ils ont appelé, on s'est dit, bon, bah, c'est plan Vigipirate, il n'y a pas de souci, voilà. Mais par Oui, contre, c'est ça, exactement, exactement. C'est ça. d'accord, c'est plus d'accord, très bien. Bah, écoutez, je suis allé en Syrie pour voyager. Comme la Syrie, je suis un. Peut-être qu'elle vous l'a dit, je suis un passionné d'histoire. Oui, ça elle m'a dit, c'est vrai, oui. Voilà, je connais l'histoire, donc je suis allé à Damas. Je ne suis pas allé dans le nord de la Syrie ou dans le sud, puisque je crois que dans le sud aussi, je suis allé à Damas. Et voilà, j'ai D'accord. visité la Syrie, la Damas, pardon. Et Ok. voilà. Et du coup, vous y êtes encore aujourd'hui? Non, non, j'y suis plus. Non, je suis même pas resté moins de. Peut-être 5 jours, c'est tout. D'accord, ok, ça roule. Ouais. Et vous y étiez seul ou pas alors, du coup? Oui, ça, oui. D'accord. Et vous n'avez pas rencontré des gens là-bas? Non, non, non. Ok, ça marche. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes dans quel pays? Je suis en Turquie. D'accord, en Turquie. D'accord, ça marche. Bon, et je sais en tout cas que votre mère s'impatientait de votre retour parce que je pense que vous lui manquez aussi et que elle s'inquiète un peu quand même. Vous avez dit ça, vous souhaitez pas revenir pour l'instant? Ben, je sais pas, mais pourquoi vous voulez. Moi, je vous dis qu'elle s'inquiète pas, c'est ça qui est étrange en fait. D'accord, ok. Juste une dernière question. Une dernière question, s'il vous plaît. Aussi, elle m'a dit qu'elle vous a parlé de ciblage. De ciblage. Elle m'a dit, oui. C'est-à-dire, je comprends pas. Comme quoi, je lui avais dit que j'étais ciblée. Ah oui, parce que c'est vous qui lui avez dit ça, oui. D'accord. Que vous sentiez ciblée, non, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Alors. Oui. Et vous sentez ciblée par qui? Alors, justement, donc c'est que. En fait, c'est quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, mais pourquoi tu lui as dit ça? Parce que moi, quand je parle avec ma mère, en fait, ma mère, c'est pas une cadre. Elle ne comprend pas facilement les choses. Et donc, quand je parle avec elle, j'essaie toujours de lui parler, de parler très simplement. Et donc, je lui ai dit que je subissais un harcèlement. Elle vous a parlé de mon harcèlement? Non, pas dans les détails. Non. Elle m'a dit que vous vous sentiez épié. D'accord, mais pas de harcèlement. D'accord, très bien. Bon, je subis un harcèlement. Donc, est-ce que vous avez vu les plaintes que j'ai déposées? Non, je n'ai pas vu ça. D'accord. Donc, j'ai déposé trois plaintes au total. D'accord. Où je me plains d'un harcèlement. Et donc, par rapport à cet harcèlement, donc je lui ai dit que ça ressemblait à un harcèlement que certains subissent aux États-Unis, ce qui n'est pas la France. Voilà. D'accord. Donc, je lui ai dit que ça ressemblait à ça. Et voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que je ne me sens pas ciblé. Voilà, c'est un point important. Donc, je préfère vous le dire. Voilà. Voilà, c'était juste. Et là, par contre, vous m'appelez avec un numéro qui est français parce que je. Oui, c'est un numéro. Oui, c'est un numéro français. J'ai plusieurs lignes, c'est voilà, j'ai juste voilà, donc non, mais je voulais mettre au clair les choses avec vous parce que si vous voulez, je ne suis pas, je suis une personne normale, je ne suis pas, quand je pense à ce que j'ai vu dans les années 2012, 2013, 2014, voilà, je suis très loin de tout ça, moi. Ok, j'entends. Et alors, par contre, si jamais on de plus embêter vos parents, oui. Si on a besoin de vous contacter, est-ce que je peux avoir votre numéro de téléphone? J'ai pas de numéro de téléphone là, enfin. J'en ai pas. Mais pour quelle raison vous voudriez me contacter, pardon? Bah, je sais pas, parce que du coup, vu qu'on s'inquiétait et qu'on avait des questions à vous poser, ce serait bien. Le mieux, Moi, apparemment, vous me dites que tout est clair et puis en même temps, vous voulez me revoir. Donc là, il y a des problèmes de. En fait, moi, je vous crois, monsieur, mais j'ai quand même besoin de vous voir en face pour être sûr que vous alliez bien et que c'est bien vous. Vous voyez, je peux pas être sûr à part téléphone. D'accord. Non, mais j'entends bien. Il y a tellement de gens qui. Voilà, j'entends bien. Mais si vous voulez, si j'appelle, en fait, si vous voulez. Donc, je. Je vais rentrer un petit peu dans les détails. En fait, dans le harcèlement que je subis, en fait, c'est un harcèlement où, en fait, je soupçonne de la corruption. Ok. En France? En France. Ok. Ok. Et de la part de qui? Ouais. Je soupçonne de la corruption, en fait, de la part de n'importe qui, en fait, hein, voilà, je sais pas, je subis un harcèlement, donc comme toute personne victime de harcèlement, je me pose des questions à savoir pourquoi je suis harcelé, d'accord? D'accord, oui, tout à fait. Voilà, j'ai relaté mon histoire à un certain nombre de médias. D'accord. En France? Oui, en France, oui. Ok. Voilà, j'ai relaté cette histoire. Donc des médias, donc c'est pas TF1 ni France 2, c'est pas des médias, on va dire, grand public, c'est plutôt des médias dissidents. D'accord. Okay, ça marche. Voilà, donc j'ai raconté. Pardon? Non, mais moi je préfère. Non, mais je comprends pas pourquoi vous changez de sujet, madame. Mais je change de sujet parce que, en fait, moi ce qui m'importe, monsieur, c'est vraiment que vous alliez bien. bien vu que tout Mais ma, madame, madame, madame, écoutez, laissez-moi juste vous répondre. Madame, je suis un adulte. Je n'ai pas besoin de personne. Je vous ai demandé si vous avez des informations sur ma santé. Vous m'avez dit que non. Bah non, non, non, bah non, je peux pas avoir. Non, je suis pas médecin. Je peux pas. D'accord, voilà, voilà. Non, je vous ai demandé si vous avez des informations sur ma santé. Vous me dites que non. Vous m'avez dit que non. Voilà. D'accord? Voilà. Et moi, ce qui m'importait de savoir, c'est ce que vous faisiez en Syrie et vous m'avez répondu. C'est pour ça. Ben voilà, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez, moi, je suis là juste pour vous informer que je vous ai précisé que je subis un harcèlement et je ne sais pas pourquoi. Et j'ai relaté mon histoire à un certain nombre de médias. Parce que c'est une histoire un petit peu originale, on va dire. Voilà. Maintenant, vous, si vous me dites, il y a rien, il y a pas de souci. Voilà, voilà. Donc il y a pas de souci. Voilà, je pourrais même. Il y a pas de problème. Après, comme je vous dis, le mieux, c'est que quand vous rentrez en France, vous venez nous voir au commissariat de Bobigny. Parce qu'on soit sûr, ben voilà, que c'est bien vous, etc. Quoi. D'accord, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est parce que mon père, en fait, il m'a dit dès que tu vas arriver à l'aéroport, ils vont t'arrêter, etc. etc. Bah, le mieux, c'est quand même que vous veniez directement, quoi. Non, mais est-ce que quand je vais arriver à l'aéroport, on va m'arrêter? C'est ça la question. Bah non, mais par contre, le mieux, c'est quand même que vous nous préveniez. D'accord. Parce que c'est possible. Mais ça ne dépend pas de moi. Et donc, moi, je peux empêcher ça si vous me téléphonez avant. C'est mieux. Ah d'accord, ça veut dire que vous me dites qu'il y a, une procédure qui est lancée. Ah bah oui. Ah, pour quelle raison? Mais parce qu'on s'inquiétait pour vous, on se demandait ce que vous faisiez en Syrie, comme je vous ai expliqué. Mais madame, j'aimerais juste vous dire que la Syrie, il y a des milliers de Français qui vont tous les ans en Syrie, donc pourquoi moi? Oui, d'accord, mais souvent ils font des choses pas très bien là-bas. Pardon? C'est ça le problème, bah oui. J'ai pas compris. Le problème, c'est que souvent, ils y vont et ils font des choses pas très recommandables là-bas. Mais oui, mais madame, moi, je suis informaticien toute ma vie, j'ai jamais eu de soucis. Non, je vous crois, voilà, juste, si jamais vous rentrez en France, vous nous prévenez, comme ça, on clôturera le dossier, ok. On clôturera le dossier, vous viendrez nous voir à Bobigny, comme ça, on clôturera définitivement le dossier. Non, mais je veux, d'accord, très bien. D'accord, ok, donc je vous appelle avant, et puis, et puis je passerai vous voir. Comme ça, d'accord. Nous, on est au courant, on ne t'inquiète pas, on sait que vous allez venir nous voir, vous avez notre numéro, ok? Et comme ça, on pourra clôturer cette procédure, tout simplement. D'accord, donc vous êtes madame, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, très bien, madame. Ok, je vous remercie beaucoup. Voilà. Merci, monsieur. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir. Voilà, donc vous avez pu entendre. Donc vous avez pu entendre la conversation donc avec cette policière. D'ailleurs, c'était directement son bureau, c'est pour ça que je suis tombé sur elle en fait. Donc voilà, je suis content de mon appel parce qu'à la fin, elle m'a dit, en gros, elle a compris, elle s'est dit, bon, avec lui, ça sert à rien.